Mangaribi nini wote mchina ya Bwana Yesu Kristo. Bwana Mungu amibariki. Le Seigneur bénisse. Ninaona kwamba tuko na furaha kubwa ya kujua siku ile tulikombolewa. Nous sommes remplis de joie parce que nous savons de quel jour nous avons été sauvés. Bwana yuko hapa na anajua hii. Le Seigneur, il est parmi nous et il sait. Tutasimama. Nous allons nous tenir debout. Taomba kisha tutasoma. Nous allons prier. Mchungaji mwema Yesu. Notre. Wewe pekee ndio ulitolewa sadaka juu yetu. Toi seul tu as offert l'offrande pour nous. Mumateso yako tunakuwa hiki tuko. Dans ta souffrance nous sommes ce que nous sommes. Asante mfalme. Merci grand roi. Hatuna na cha kukutolea. Nous n'avons rien à t'offrir. Lakini tuko na kushukuru ile ulitufanyia. Mais nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Mangaribi ya leo minakuita upate kutunza magonjwa. Viens nous guérir. Uje ulete majibu. Viens trouver des solutions. Watoto yako beko mbele yako. Tes enfants sont devant toi Dieu. Wewe wanakutafuta. Ils sont. Je cherche toi que tu le bénis. Ubariki na hii muji Bwana. Bénis cette cité. Ubariki sana hii kanisa. Bénis richement cette église. Kwa ajili ya hii habari inapasa fazi lopote. De cette bonne nouvelle qui est proclamée. Mfalme Mungu wapate kubariki bale banakusikia. Notre roi, notre Dieu, que tu puisses bénir ceux qui sont en train de t'écouter. Ninajua kwamba utatutawala mangaribi ya leo. Je crois que tu seras parmi nous. Na tena mimi najua sema uko hapa mangaribi ya leo. Et je crois que tu es au milieu de nous. Kumbe upate kusema nasi. Parle avec nous. Sisi tupotee mkazi. Que nous puissions disparaître, Seigneur, à l'œuvre. Wewe mwenyewe onekane na utumike kazi. Toi seul, que tu puisses te manifester. Utufanie hiyo mangaribi ya leo. Fais pour nous ce soir. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous allons lire dans Jude. Cinq et six. Basi. Basi mimi napenda kumikumbusha hata vile mnesha jua maneno yote hii. Je, voulez vous le rappeler quand bien même vous le savez? Ya kwamba Bwana kisha kuokoa watu mwili mwichi ya Misri. Le Seigneur après avoir sauvé les gens en Égypte. Basi yararibu wale walikata kuamini. Il fit ensuite périr les incrédules. Basi wale wa malaika wa kuchunge mkubwa wa heshima yabo. Qui les a réservés. Ils ont quitté à leur place eux-mêmes. Il les a gardés dans les ténèbres pour attendre leur jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Jean chapitre 15. Verset 7. Jean 15, verset 7. Nous allons lire. Tasoma. Vas-y, Mustari Asita. Tu peux commencer. Verset 6. Pour aller vite, on commence à 7. Kama mukidumu ndani yangu, si vous demeurez à moi, na kama neno langu et que mes paroles demeurent en vous, basi mutaomba yote munahitaji, ce que vous voudrez, nayo itamipewa, et cela vous sera accordé. Hivi basi, ni mwi namna baba yangu atatukuzwa. C'est de cette façon que mon père sera glorifié. Ya kwamba, Batatoa matunda mingi. Ils vont produire beaucoup de fruits. Wale njo batakuwa banafunzi wangu kisha kutoa matunda mengi. Après avoir produit beaucoup de fruits, qui seront mes disciples. Hivi baba alimpenda. Mon père vous a aimé. Na mimi vyovye na mipenda. Je vous aime aussi. Mupate kudumu ndani ya mapendo yangu. Dans mon amour. 10. Kama mukichunga amri yangu. Si vous gardez mes commandements. Na kama mukidumu ndani ya mapendo yangu si vile mimi nalichunga amri ya baba. Comme de même que je l'ai gardé. Na hapa basi niko nadumu katika mapendo yake. Je suis en train de demeurer dans l'amour du Père. Basi namiambia maneno haya. Je vous dis ces paroles. Ya kwamba furaha yangu afin que ma joie ipate kuwa ndani yenu. Dans vous. Na furaha yenu et votre joie ipate kuwa kamilifu. Soit parfaite. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Nous avons dit, vous devez être l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est demeurer dans sa parole, rester dans sa parole, marcher dans sa parole. Nous allons le voir les dimanches. Dans cette marche où nous allons marcher, nous, c'est sur le corps du Seigneur. C'est là où il y a le chemin de la vie. Maintenant, si toi tu es dans Jésus-Christ, le commandement qu'on nous donne, c'est de nous aimer les uns les autres. Après avoir aimé, nous aimons les uns les autres, nous devons encore aimer Dieu. Est-ce que vous ne l'avez pas aimé? Est-ce que vous aimez Dieu? Oui. Amen. C'est pourquoi il avait posé la question à Pierre. Simon Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Alors, vous devez... Premièrement, vous devez aimer le Dieu. Il a accompli ses commandements. Parce que lorsqu'il va rentrer, il viendra prendre sa parole. Nous, les bien-aimés, nous sommes dans la parole. Amen. C'est pourquoi nous aussi nous serons élevés aussi. C'est seulement l'amour qui entrera. Je ne sais pas si l'Église vous me comprenez. Pour élever sa parole, nous aussi qui sommes dans la parole, parce que nous sommes gardés dans l'amour. Nous attendons par Seigneur Jésus-Christ. C'est nous le pouls de Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra prendre sa parole, et nous étant dans la parole, nous serons élevés. Ainsi, si vous aimez le Seigneur, vous ferez sa volonté. Chapitre 14, c'est ce qui concerne le jugement que nous allons dire ici. Ceux qui ont servi l'Éternel sans être dans sa volonté. C'est ce que nous allons écouter ce soir, que Dieu nous bénisse. Les Caïns et les Corées. Que Dieu vous bénisse. Il y a ceux qui nous ont précédés dans cette marche. Comme nous avons dit ça le premier jour, ils ont vu le miracle que Dieu a fait. Mais arrivé à mi-chemin, ils ont manqué de l'obéissance. L'incrédulité les a atteints. Ils ont eu l'incrédulité. Parloter. Amen. Le problème qui ne te concerne même pas. Les choses qui ne te concernent pas. Comment est-ce que tu vas écouter toi un chrétien? Tu amènes ici. Tu parles ici. Tu parles de l'autre côté. Paragraphe 205 de la prédication que nous avons. La Bible dit. Il fit tout ce qui n'avait pas les noms inscrits dans les livres de l'agneau. Reçurent une marque sur leur front. C'est à l'église prédestinée que je parle maintenant. Non pas à ceux de dehors. Akika. Certainement. Kila kundi. De chaque groupe. Mukila kundi a retiré ses prédestinés. C'est là qu'il vient dans chaque âge. Mais voilà cette femme qui se tient debout. La voilà. C'est bien elle. Elle prêche. Elle manipule la parole. Et elle est devenue une déesse. C'est la cause de chaque péché. La Bible dit, je ne supporte pas que la femme ancienne soit que tu puisses utiliser n'importe quelle autorité. La loi dit, elle doit rester dans l'obéissance. Mais elle ne peut pas le faire. Elles font diriger les provinces. On les fait de maire de la ville, de gouverneur. Bientôt, elle sera même présidente. C'est certain. Voilà où nous en sommes maintenant. C'est ainsi que vont les choses. Les gens font ainsi parce qu'ils ne se soucient pas de cette parole. Amen. Vous voyez ces juifs, les intellectuels, les hommes de valeur, ces ténats-là. Jésus leur dit, vous ressemblez à votre père, le diable. Faisons un essai pour une minute. Que Dieu me pardonne. Si réellement je rends parti, mais je le fais juste pour une minute. Juste pour vous montrer quelque chose. Vous dites, gloire à Dieu. Oh, je parle en langue. Alléluia. Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, Dieu soit loué. Muzuri. D'accord. Ulifanya. Vous l'avez fait. Mais souvenez-vous du peuple d'Israël. La Bible dit, qu'après avoir appelé son peuple, et l'avoir fait sortir de l'Égypte. Les détruisit parce qu'ils n'ont pas suivi le message. Amen. Amen. Ils avaient mangé la manne du ciel. La manne que Dieu avait fait pleuvoir sur la terre, pour les nourrir. Ils s'étaient tenus en présence du messager. Et aussi, ils avaient vu la colonne de feu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Et on avait eu même la confirmation. C'est parce qu'il préférait de croire en Corée. Il peut y avoir des avantages. Nous devons aussi être saints. Nous devons faire tout cela. Tous les peuples sont saints. Et Dieu a dit, séparez-vous et éloignez-vous d'eux. Amen. Lorsqu'ils étaient en marche, quand ils avaient quitté, tous ils ont vu le miracle. Comme l'avons dit, que il faut naître de nouveau. C'est là que tu auras la puissance de Dieu. Toi, tu veux y aller. C'est le temps pour toi de te préparer. Parce qu'en cours de route, il y a ceux qui sont restés en cours de route, qui sont morts. C'est pourquoi nous voulons écouter la marche qu'a empruntée Israël. Conformément avec l'enseignant que nous avons. Que le Seigneur Dieu bénisse. Nous devons quitter dans ces histoires. C'est le temps pour nous de nous avertir. La prédication réunion mensuelle 17 janvier 2018. Lettre circulaire, page 12. Nous allons lire aussi page 13. C'est pour cette raison. Tout ce que vous ne pouvez pas croire, c'est gare. C'est ainsi que le vrai croyant prêteront oreille à l'Égypte. C'est une épître très courte avant l'Apocalypse. Mais il y a plusieurs choses qui sont écrites. Nous sommes ici, disons le verset 3. Bien-aimé, alors que je désirerais vivement vous écrire, au sujet de notre salut commun, je suis obligé de vous envoyer cette lettre. Pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmis au sein une fois pour toutes. Verset 5. Je vais vous rappeler à vous qui savent fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé les peuples, l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Une parole très sérieuse, très importante. Il n'existe pas les paroles plus tirées que celles-ci. Les autres l'ont aussi expérimenté. Ils sont passés au travers de la mer Rouge, qui se tenait juste devant eux. Et la mer Rouge s'était ouverte à gauche et à droite. Et ils y sont passés à pied sec. Ils ont vécu ces miracles. Mais et tout ce qui est conforme à ces miracles, mais ensuite, l'incrédulité, la désobéissance en chemin, le murmure, et tout ce qui est conforme à ça, c'est pour cette raison que cette exhortation nous est faite à tous. Page 3. Ici, il y a trois groupes nommés. Vous pouvez les lire au verset 11. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie des Caïens. Ils se sont jetés dans les salaires, dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. D'abord, ils ont mangé avec nous. Ils ont pris part à nos adaptes et à nos cultes, dans nos réunions. Je vous dis ça avec une grande douleur. Je l'ai dit aussi parce que selon l'ordre de Dieu, le mandat du vin, l'appel du vin, premièrement, dans chaque pays du monde, je porte le message. Nous avons aussi, dans les années 70, nous avons tenus des réunions avec les ministres dans 33 pays qui étaient ici à Crefette. Ils ont pris part à notre table avec nous, dans des réunions et à tout ce qui s'était passé ici. Et en 1979, l'un après l'autre, ils sont allés dans de différentes directions, dans de différentes doctrines et enseignements. Et ça, c'est vraiment une douleur qu'on ne peut pas supporter. Les autres suivent la voie de Caïn. Nous savons ce que Jean avait écrit. N'aimez pas comme Caïn, lui qui a tué son frère. Je remercie Dieu de ce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé en mal envers un frère. Et jamais je n'ai critiqué ni calomnié un frère. Je ne porte que la douleur en moi. Parce que différentes directions ont été suivies par les frères. Et aux dernières informations de Tixon, c'est dans la ville. Il y a 11 cités, combien d'églises dans une ville? Et tout ça avec un frère à la tête de ces églises. Dans chaque église, il y a un frère, notre frère qui est responsable. Les jours passés, j'ai appris je disais avec un frère qui était juste à côté, qui a une église. Il était venu me saluer et je lui ai dit, comment est-ce que comment est-ce que nous pouvons être ensemble au festin de morceau de l'agneau si déjà ici sur terre. N'habitant pas loin l'un et l'autre. Si sur cette terre nous sommes éloignés, chacun de son côté. Que Dieu bénisse. Nous allons lire beaucoup. C'est pour la journée d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse. À ce qui concerne Caïn, à ce qui concerne Balaam, c'est pour cette marche. Ce qui concerne Corée, Caïn, comme il était méchant, il avait la martyre. Les frères qui se révèlent. C'est Dieu qui révèle quelqu'un. Maintenant, en lui, il a la martyre. Si toi, tu le dis, demande à Dieu de te pardonner. Que la révélation appartient à Dieu. Si tu es révélé, si notre frère est béni, si nous tous qui sommes bénis, si notre frère a été révélé, c'est Dieu qui l'a béni. Maintenant, toi, ton cœur là, tu t'énerves comme un lion. Tu vas tuer. Ce n'est pas tuer par poignardement, soit tirer d'armes. Même la bouche peut tuer. Parce que si tu as la martyre dans ton cœur, tu ne vas même pas dormir. C'est Dieu qui lui a révélé. Oh, il nous domine. Oh, il se vante. Il n'est pas de ces pays. Mon frère, c'est Dieu qui révèle. Les Caïn et Abel, ça n'a pas été révélé à Caïn, mais ça a été révélé à Abel. Ces choses puissent s'éloigner de nous. Lorsque vous avez appris que les anges ont quitté à leur place, ils ont abandonné leur place. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas un oisif. Chacun de vous a un travail à accomplir. C'est que toi tu fais là, ça te suffit. Mais cette façon que tu chantes pour Dieu, ça te suffit pour toi. Garde simplement ton travail, ton poste. Quand tu balades l'église, tu arranges, tu torches l'église de Dieu. Garde ce travail. Comme tu aides la maison de Dieu, ça te suffit. Je ne sais pas si l'église vous me comprenez. Il n'y a pas de chômeur dans la maison de Dieu. Amen. Parce que dans le corps de Christ, comme il y a notre corps, chaque membre a son fonction. Or que nous voyons sur notre peau, ça fait introduire de l'oxygène dans le corps. Amen. Restez à votre place, ça te suffit. Garde le Seigneur à cet endroit. Si tu veux chercher autre chose, tu vas avoir la colère parce que tu vas les faire en dehors de la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous écoutez le frère de Dieu dit, je n'ai jamais critiqué un frère ni méprisé un frère. Lui aussi c'est notre frère. Dans l'arche, quand ils sont entrés là-bas, le lion ne pouvait pas manger les chèvres. En dehors, les lions pouvaient manger les chèvres, mais quand ils sont arrivés dans l'arche, et tous étaient ensemble, parce que dans l'arche, il y avait la puissance. Il y avait la puissance. Telle que nous sommes ici. Dans la maison de Dieu, il y a la puissance. Qui nous finit, que nous puissions tous demeurer ensemble. Aujourd'hui, moi, intelligence de Bukama, je me retrouve dans cette cité. Ceux qui sont dans cette cité ne me connaissent pas. Mais vous me connaissez. C'est à cause du Seigneur. Vous avez quelque chose à faire. Faites confiance à ce travail que Dieu vous a donné. C'est non chanter que vous chantez là, c'est un travail. Comme tu viens de cette maison, parce que la maison ici appartient à Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. Vous tous, chacun de vous a une maison. Que Dieu bénisse. Parce que vous allez voir ce qui est dans la maison de Dieu. Et quand tu viens, tu vas donner ce qui manque dans cette maison. La maison ici n'appartient pas au pasteur. Pasteur et vous tous, vous êtes tous enfants de Dieu. Lui, il est juste le berger qui vous conduit. Il a son travail de conduit. Il a le bâton du commandement. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il ne peut pas vous conduire avec autre chose. Ce que vous pouvez accepter de manger, il va donner rien que la parole de Dieu. Il n'a rien d'autre à vous donner. Que Dieu vous bénisse. Lorsque le temps sera accompli, nous quitterons et la maison sera restée en paix. Nous ferons partie. Maintenant, le propriétaire de la maison, c'est qui? Que Dieu vous bénisse. Et cette façon que tu travailles, que Dieu te bénisse. Continue à vendre le poule. Ne cherche pas à voir de véhicule. Les œufs que je vous vendais là, que tu puisses payer la peinture pour peindre la maison de Dieu. Amen. Si tu as des problèmes dans ton cœur, tu n'auras pas la mère Tim qu'avec Caïn. Balaam. Balaam, usikie. Balaam, le Balaam, écoutez. Où Balaam? C'est Balaam. Ari shinda kuchunga is. Ah, ali shindwa kulani Israël. Il avait échoué de maudire Israël. Basi alifanya nini? Qu'est-ce qu'il a fait? Sawa vile aliyua. Comme il savait. L'amuri ya Mungu wetu. Il connaissait le commandement de notre Dieu. Amuri ya Mungu ile wa Israël. Le commandement de Dieu. Qu'Israël croyait, c'est pourquoi il les avait dit. Non. Si vous voulez que leur Dieu puisse les tuer, vous devez les inviter comme étant des frères. Venez manger avec nous ensemble. Vous avec nous, nous sommes des frères. Et quand ils vont venir, leur Dieu ne sera pas content parce qu'il n'aime pas les péchés. Leur Dieu n'aime pas les péchés. Il va les tuer lui-même. Ils ont dit, le Dieu que nous croyons, nous lui connaissons. Il est saint, le Dieu que nous croyons. Lui, il est saint. Maintenant, suivez bien vous, Balaam. Vous savez notre secret. Il est écrit. N'abandonnez jamais votre assemblée. Amen. N'abandonnez jamais votre assemblée. Comme coutume de quelques-uns. Comme coutume de quelques-uns. Tu ne peux pas dormir affamé deux jours. Et le troisième jour que tu vas travailler. Je ne crois pas si tu sauras. Maintenant, toi. Quand tu t'absentes chaque jour, pardonnez-moi d'abord. Il y a deux choses. Il y a s'absenter et abandonner. quand on vous trouve en cours de route, mon frère, comment ça va? Oh, je vais venir, mon frère. Et tu passes. Ton nom est resté au ciel. Ici, on n'a pas de cahier. Hein. On n'a pas de registre d'appel. Hein. Pour que le pion d'Ivée s'est absenté aujourd'hui, demain. On n'a pas de registre d'appel ici. On dit, frère, intelligence aujourd'hui s'est absenté. Frère, pourquoi tu n'es pas venu? Oh, le poisson est pourri. Tu commences à donner des justifications. Quand tu restes en brousse, tu rétrogrades. Tout ce que tu avais refusé, parce que Christ viendra te visiter, parce que tu n'as plus de force, parce que tu ne pries pas, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu es resté seulement avec le nom qui est les frères de tabernacle. Tu commences à te tuer dans la foi. Suivez-moi bien. Vous commencez à nous faire tuer dans la foi parce que vous connaissez notre secret. Tu tombes malade chaque jour. Et à toi, tu ne viens plus. D'aller en brousse, tu te poses la question. On t'a jamais posé la question que vous aussi, les tabernacles, vous commencez à agir ainsi. Quand nous venons dans la maison de Dieu, Dieu vient pour nous corriger. Où est-ce que nous allons avec la parole de Dieu? Maintenant, toi, tu laisses maintenant ton nom ici, les noms qui restent. Un jour, c'était difficile chez nous. Nous nous posons la question jusqu'à aujourd'hui. Et frère, et la sœur, tous ils sont devenus à pousser pour aller à l'église. Après trois jours, ils viennent. Après trois mois, ils viennent. Une fois, dans la cité, tu restes seulement au membre du tabernacle. C'est vrai. Tu resteras au tabernacle. Ça nous vient, ça vient pour nous difficile. C'est devenu difficile pour nous. Ce n'est que tes enfants qui viennent à l'école le dimanche et ils persévèrent. Leur père et leur mère, et ils ont déjà abandonné la foi. Maintenant, nous posons la question au pasteur. Qu'est-ce que nous allons faire s'il y a des problèmes? Et toi aussi, je te pose la question. Tu viens une fois dans trois mois à l'église. Maintenant, si tu trouves des problèmes, qu'est-ce que nous allons faire? Croire, c'est comme ça. Un chrétien, c'est comme ça. C'est celui qui donne la dîme. C'est celui qui donne sa dîme. Est-ce que l'église vous suivez? Est-ce que l'église vous suivez? C'est celui qui donne son offrande ici. C'est lui qui soutient l'œuvre de Dieu en ces lieux. Même s'il y a des problèmes, même dans l'église, même chez un frère, toi aussi tu contribues. Maintenant, toi tu restes, tu attends seulement lorsque tu auras des problèmes. Vite, vite, pasteur, pasteur. Pasteur, on ne va pas venir. Nous n'allons pas venir. C'est du monde qui puisse nous calomnier, qui puisse nous critiquer. Toi, tu veux seulement nous faire critiquer par les mondains. Ici, il n'y a pas de registre d'appel pour écrire les noms. Pointer des absents et des présents. Non. Si ça te coince, rentre carrément dans les mondes. Parce que tu n'as pas cru. Tu veux nous faire tuer. Là, lorsque nous ne te voyons pas, le païen, ils vont crier, oh, regarde les gens de la vérité, c'est toi qui nous fais critiquer. S'il faut abandonner, t'as mieux. Tu commences à te relâcher, c'est pour ta vie. Si tu n'as pas la crainte envers les serviteurs de Dieu, si tu n'as pas la crainte de craindre tes frères, cela veut dire que tu es déjà perdu. La parole que nous l'annonçons, l'évangile, c'est celle que nous annonçons. C'est tes œuvres dans ton livre. livre que tu es en train d'écrire seul. Sache que notre Dieu n'est pas mort. Même lorsque je me tiens pour annoncer l'évangile, les ciels sont en train d'écrire. Amen. Amen. Où est-ce que tu donnes la dîme? Le doigt ici, c'est comme si je suis en train de prêter. Moi que je pointe même derrière. La dîme, ta dîme, tu donnes ça où? Ta dîme, tu l'offres où? Est-ce que toi aussi tu soutiens? Quand il y a des problèmes, toi aussi tu soutiens cette église. Parce que pour que nous aussi nous puissions te soutenir en cas de problème. Tout ce genre de chrétien, tu viens une fois par mois. Pour que nous puissions aller souffrir avec toi ensemble. Non. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la nuit, il y a des problèmes, toi tu restes chez toi, tu dors. Mais néanmoins, tu attends que les frères viennent t'aider. Tu attends que les frères viennent veiller chez toi. Ne nous fais pas mourir dans la foi. Parce que les païens, ils vont parler. Ils attendent. C'est pourquoi le Seigneur avait prié pour nous. Que le Seigneur puisse nous garder. Que Dieu puisse nous garder. Même si nous sommes encore sur cette terre. Nous ne sommes pas du monde. Quand nous disons, c'est au moment que nous disons pour que nous puissions aller voir le ciel. Arrangez votre vie. C'est pour vous que je suis béni. Parce que le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le temps pour nous d'être distraits. C'est le temps de nous préparer. Persévérer dans la foi. Amen. Le travail que tu travailles du lundi au samedi, c'est quel genre de travail? Nous tous avons des magasins. Si le temps de l'écoute, tu fais l'incrédulité, on ne va pas acheter, il n'y aura pas de clients. C'est seulement à 18h. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Tu acceptes que c'est la vérité. Tous ces jours ici qu'on puisse un peu payer les histoires. On peut payer jusqu'à 14h. Tu trouves que ah là j'ai bien trouvé. À 16h, au lieu de fermer, toi aussi tu commences à profiter de beaucoup d'argent. Tu verras que tu vas fermer un pan. Et tu vas rester nul pour ne rien faire. Juste pour manger. Si nous avons de quoi manger, et avec le vêtement, cela nous suffit. Que Dieu bénisse richement. Balaam. Arrêtez de nous faire tuer dans la foi. Tu restes là où nous sommes. C'est pourquoi vous allez voir même le Corée et toi et Corée, vous êtes tous le même personne. Parce que là où toi tu iras, tu pars, lorsqu'on va te poser la question avec les ailes que tu avais, tu vas mentir. Nous on saura que tu n'étais pas les nôtres. Si tu étais les nôtres, tu devais rester avec nous. Amen. Amen. Notre frère Franck dit bien. C'est frère ici. C'est le frère qui était parti saluer le frère Franck. Le frère Franck lui a posé la question. Nous étions avec lui tous ces jours ici. Nous avons partagé de culte. Maintenant, il a quitté. Il a commencé aussi son église. Nous avons dit le message n'est pas venu pour ça. C'est le frère Franck qui pose la question. Sur cette terre, si on ne se réunit pas ensemble, on ne communie pas ensemble, comment est-ce que nous allons partager l'annonce de l'agneau ensemble? Si quelqu'un te pose la question, bonjour frère, tu dois lui poser la question, tu es frère en quoi? Oh, les tonnerres sont révélés. Nous sommes des frères en quoi? Oh, les sang séché, il te pose, il te salue. Bonjour frère. En quoi nous sommes frères? Si tu n'as pas la puissance de prier Dieu, ce sont ces gens-là qui nous font tuer. Vous voyez un frère qui a fait 3 mois sans passer à l'église, il faut passer calmement. Pourquoi j'ai fait accepter la salutation pendant que je n'ai pas mon frère? L'église vous suivez? Est-ce que l'église vous suivez? Il te salue, bonjour frère. Nous sommes frères. En quoi nous sommes frères? Pardon? Les autres, ce sont des traîtres. Quand vous ne le voyez pas ici, il part d'abord chez les tonneristes. Oh, on m'avait invité. Oh, il est parti chez le nouvel hier. Et puis il vient ici. Tu vas nous faire tuer. En quoi nous sommes frères? Si tu divises les églises, en quoi tu es mon frère? Tu commandes des désordres dans l'église, en quoi tu es mon frère? Tu t'absentes dans des désordres dans l'église, pourquoi tu veux qu'on t'appelle frère? Frère, ne jouez pas avec votre vie. Ta vie? On commence à jouer avec ta vie entre les mains. La vie n'est pas jouée avec. Nous nous retrouvons ici, c'est à cause de la parole de Dieu. Si tu abandonnes la parole de Dieu, nous aussi nous allons t'abandonner. Amen. Nous aussi nous allons t'abandonner. Continue avec ton absence là. Continue d'absenter, tu vas appeler pasteur, et les pasteurs regardent de l'autre côté. Néanmoins, aussi, lui, il est content de ce que toi tu fais. Si réellement tu gardes la parole de Dieu, lui aussi va suivre la parole de Dieu. N'abandonnez pas votre assemblée. Maintenant, toi, tu as fait combien de mois? Et puis, tu as des problèmes, tu commences à appeler pasteur. Que Dieu bénisse richement. Il nous reste combien de temps? 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur Corée demain.